sont trois. AMG, le pôle emploi, fin léger, mauvais endroit, code Michel. Si ça marche en équipe, pour moi il vient m'en tirer. Des camos descendus du guide. Sous ma vie j'ai rien à prouver. Et si ça marche en équipe, fais tourner. Location dernier Cayenne, fais tourner. Une tasse très bien pris, bonne Cayenne, fais tourner. Graine de cave, chemise hawaïenne, fais tourner. Shit, coke, arme, yas, mes frères ça vous j'applique. Que du cœur noir par habitude, au cercle de bateau de Montana Ville. Ok, juge, bleu, broc, bac, pute, traite, vous pardonnez. Ok, sont montés d'abord sur ma bite. J'ai des grosses couches, descends de mon père. J'suis nerf de ma mère, millions de dollars, j'me barre de la merde. Grosse pute au bord de la mer. Ok, je tiens le flingue, t'es qu'une tape. Hein. J'fais de la musique, c'est qu'une étape. Hein. Mais la différence, c'est que t'as tout, va compte dans une banque. Comme moi, je me marche en équipe. Pour moi, ils vient m'en tirer. Des camos descendus du guide. Sous ma vie, j'ai rien à prouver. Et si ça marche en équipe, fais tourner. Location dernier Cayenne, fais tourner. Une tasse très bien plus bonne Cayenne, fais tourner. Graine de cave, chemise hawaïenne, fais tourner. J'suis avec une beauté rare, une nuit tropicale. Grâce aux banques, j'ai la montre à bigard. Ouais, j'ai Rise, un vent de flicard. On fait des sous, on est des pires que Smika. Allez, allez, la crimara. Valet, valet, j'suis pas au placard. Encore dehors avec un bébé 4-4. Laisse parler, j'fume du bon shit, fils de putain. Père de Gucci, elle le boutin. Argent sale, je garde bon teint. Le marchand table, récupère le butin. Grand hôtel, coin VIP, VIP. Vous en payez moi vite, vite. Armé dans la caisse, charge, ralenti, ça marche en équipe. Pour moi, ils viennent m'en tirer. Des camos descendus du guide. Sous ma vie, j'ai rien à prouver. Et si ça marche en équipe, fais tourner. Location dernier Cayenne, fais tourner. Une tasse très bien plus bonne Cayenne, fais tourner. Graine de cap, chemise hawaïenne, fais.